Bilan, page 84. Qu'est-ce que tu lis, Delphine ? Mon horoscope. Et alors ? Il ne faut pas que je prenne de décisions importantes dans mon travail. Et il est préférable que j'attende pour parler de mes problèmes à mes amis. Il n'y a jamais rien de bon pour moi, j'en ai marre. Tu as raison, ce n'est pas terrible. Tu veux que je te lise le tien ? Pourquoi pas ? Travail. Bonne semaine. Si vous voulez demander une augmentation à votre patron, il faut que vous le fassiez maintenant. Tu as de la chance, toi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je lui demande ? Je viens de commencer un nouveau travail à la mairie. Ce n'est pas le moment. Lis-moi la suite. Je te lis. Santé. Non, ce n'est pas la peine. Je ne suis plus jamais malade depuis que j'habite dans le sud. Bon, alors amour. Vous voulez que votre partenaire soit toujours près de vous. Laissez-lui un peu de liberté si vous voulez le garder. Ah, tu vois, je te le dis toujours, Sandra. Peut-être, mais moi je n'aime pas qu'il sorte avec ses copains. C'est comme ça. Et amitié ? Amitié. Vous avez besoin que vos amis soient très proches de vous en ce moment. Ne restez pas seuls. Ils seront très contents que vous leur téléphoniez ou que vous passiez une soirée avec eux. C'est vrai, ça ? Ouais. C'est bizarre. Je ne crois pas à toutes ces bêtises. Mais c'est vrai. Bon, alors c'est très bien. Je n'ai plus rien à manger à la maison. Tu m'invites au restaurant ?